et messieurs, je laisse place à l'inoubliable Tracy Turnblad. Viens, les stop, viens, la balance, puis des vagues, une montagne. Viens, la terre dira jamais aux anges de pénétrer dans nos âmes. Oh, mais arrêtez mes pieds de danser, je ne peux m'en empêcher. Si tu n'aimes pas mon look, hey, ah, je dis tant pis.